Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Eh ben c'est super. Bienvenue dans cette émission 281 de Goodbye Kevin. 281. Les chiffres magiques, si on les additionne, ça fait bah, 11. Et ouais, c'est le chiffre porte-bonheur, c'est-à-dire qu'il n'y a que des numéros 1 dans ma team, notamment Léna. Bonjour Léna. Ah, bonjour Pierrot, ça va? Ouais, ça va, nickel, ouais. Merci, merci pour cette petite entrée en matière qui est ma foi, qui met la pêche, la patate, le peps, comme on dit. La frite. Oui. Quoi de beau au programme? Quoi de... Ah, cette ouais. Semaine, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi, les zincs? Alors, les zincs, ça dit quoi? Eh bien, moi, je vais commencer par une petite formation guitare-sax pour un projet expérimental assez cool. Ensuite, il y aura un featuring de Pop Psyché qui me met d'extrêmement bonne humeur. On aura également le dernier album d'une pointure du rap alternatif, de la librairie musique d'inspiration genre France 60s, 70s, et toujours si on a le temps, un petit rock psyché shoegaze indonisant que j'ai pas eu le temps de vous passer la semaine dernière. Cool, cool. Voilà, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a rien. C'est quoi les pareils? Il y a rien du tout, il y a Air. Très bien, il y a Air France. Et ben un peu comme cette présentation, dans mon côté, on va partir un peu dans tous les sens. On va commencer par de l'instrumental funk psyché, puis après on écoutera un trio de chansons françaises. C'est bizarre de dire ça, chansons françaises. On n'en passe pas souvent. Ensuite, on va poursuivre avec un sextate portugais de crotte post-rock. Ok, très bien. Ça commençait mal, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Une sextape? Une sextape. J'y ai pensé en préparant l'émission que t'allais bloquer sur ce mot. Mais c'est pour ça que t'as bien insisté dessus. Exact, sur le sexe. Ok. Et ben ensuite, on ira voir des Allemands qui vont vous faire revivre le Berlin des années 80. Puis on va terminer par une rencontre entre une rappeuse ougandaise et un producteur français domicilié à Berlin. Très bien, très bien. Très berlinois sur la fin. Oui, tout à fait. Oui, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Un peu d'Ouganda quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te propose de commencer tout de suite avec Good Sad Happy Bad. En fait, là, je vais vous parler de Mika Levy et d'un de ses projets dont je viens de dire le nom. Je vous en avais déjà parlé en 2022. Donc, elle fait aussi partie de plusieurs formations, dont celle-ci. Là, on est sur un format batterie, guitare, sax. Les morceaux sont improvisés la majeure partie du temps et ensuite ils enregistrent tout ça et puis ils viennent rajouter soit des chants ou des paroles qui sont tout simplement scandées. Donc que ce soit par une des vocalistes ou par le mec aussi qui est à la batterie, je crois qu'il chante aussi. En tout cas, il parle. Bref, là-dedans, dans tout ça, ça parle entre autres de deuil, de guérison, de se construire un foyer, de parentalité, de toutes ces belles choses, quoi, de bienvenue dans l'âge adulte. Et il y a aussi un petit côté, ce que j'ai pas dit, il y a un petit côté exploration électronique qui est un peu latent sur quelques morceaux de l'album. Donc cet album, il s'appelle All Kind of Days. C'est leur deuxième sous ce nom-là et sous cette formation, on va dire, avec le saxo notamment. C'est sorti le 8 novembre sur le label Textile Records, et nous, on va écouter deux extraits. Donc le premier s'appelle Do It Yourself, là on est plutôt sur le mec qui parle, tout simplement. Et ensuite, on aura un morceau chanté cette fois-ci, qui s'appelle Shaded Tree. Voilà, c'est Good Sad Happy Bad, tout de suite. Won't last forever, cause nothing does. At least I know I tried to stop the rust. It won't last forever, cause nothing does. The point is to do it yourself. I'll try it myself. Yeah, I'll do it myself. I'll fix that squeaky hinge, cause it's good for the noise. I'll try it myself. Yeah, I'll do it myself. I'll fix that broken shelf. Yeah, I'll do it myself. I'll fix that broken curtain rail, cause it's good for the light. It won't last forever, cause nothing does. At least I know I tried to stop the rust. forever, cause nothing does. The point is to do it yourself. Thank you. C'était Good Sad Happy Bad. Allez écouter l'album, franchement, il vaut le coup. J'ai hésité à passer aussi un autre morceau qui s'appelle Turbine, mais je me suis dit, allez, pas grave. Non, mais deux, c'est intéressant parce qu'ils sont dans un style complètement différent. Ouais. Donc, je trouve que ça complète. Bah justement, Turbine, il ressemblait plus au premier. Alors, je me suis dit, vas-y, là, c'est bien. On en a deux différents. C'est bien. On a un petit panel, quoi. Le prochain groupe, c'est un groupe qui a choisi de me faciliter la tâche pour le prononcer, puisqu'il a une voyelle et six consonnes. Il s'appelle Boltv. Donc on pourrait croire qu'il vient des pays flamands, qu'il est néerlandais. Pas du tout, c'est des Colombiens. C'est un trio qui fait de la musique instrumentale. Si vous aimez bien les Krangbung-in. Krangbung-in. Et bien vous allez aimer les Boltv. Pas tout. Ça doit être dans ce style. Si tu fais ce style musical, tu dois avoir un nom pas facile à dire. Ouais, bon, peut-être que c'est juste un anagramme ou un truc comme ça. Comme la NPE là. Bah, dans leur présentation, un acronyme. Merci. Dans leur présentation, c'était pas indiqué en tout cas. Okay. Et donc, ils font de la musique qui fusionne plein de styles. Ils sont formés en 2020. Ils font de la musique qui fusionne aussi bien celle qui vient du Moyen-Orient, le disco, la house, le funk, le psychédélisme, l'indie rock, le surf, la cumbia. Waouh. La c'est... liste est longue. Et donc, dans leur présentation, ils sont forts parce qu'ils se disent « Ouais, on fait plein de styles, on les mélange tout ça, mais on le fait bien. Ah. » Ce qui fait plaisir, c'est de se dire « Bon, non, on fait ça vraiment comme des gros porcs, que ce soit bien dégueulasse et que ce soit inaudible. » Bon, c'est pas le cas, ça tombe bien. On va écouter Sun Color Eyes, qui est issu de leur album Harvest, qui est sorti en juillet dernier chez Mixto Records. Et il est bien, c'est bien ce qu'ils font, les Baltus. Sun Color Eyes, tout de suite dans Goodbye Kevin. Oh là là, Sun Color Eyes de Balthus. Je ne sais toujours pas comment le dire. Est-ce que le V, ce serait pas un U? Bah, ça ressemble drôlement à un V. Ça ressemble vraiment à un V. Eh bien, enchaînons. On répondra à cette question peut-être plus tard, ou peut-être que vous, si vous avez la réponse. Ou jamais, et c'est pas grave. Bref, on va passer à un petit single qui m'a mis de bonne humeur cette semaine, et même la semaine dernière, et même celle d'avant, j'ai envie de te dire. Trois semaines de bonheur. Ouais, alors j'hésitais à vous le passer, parce que je vous ai parlé de lui il n'y a pas longtemps. Mais en le réécoutant, je me suis dit que j'étais un peu obligée, parce que c'est bien. Ça met sacrément de bonne humeur, et ben voilà. Bref, du coup, c'est Panda Bear, encore une fois, aka Noah Benjamin Lennox, aka ancien membre d'Animal Collective, aka, on va pas refaire toute la liste. Bref, une chose à retenir, c'est la sortie de son prochain album, prévu le 28 février 2025, chez Domino Recordings, encore une fois. Pour l'instant, il n'y a qu'un single de sortie, c'est celui-ci. Mais je pense que c'est pour ça hein, que tu le vois un peu partout, parce que même il est sur l'album de Jimmy XX, sur les remixes. Exact. Nous, on va écouter ce single-là qui est sorti, qui s'appelle Defense, et c'est un featuring avec Cindy Lee, dont on vous a déjà parlé dans l'émission également. Je ne sais pas pourquoi je parle qu'une gogole comme ça. Bref, on va balancer la musique tout de suite avec Panda Bear et Cindy Lee, et le morceau Defense. C'était Panda Bear avec avec Cindy Lee sur le morceau Défense. On part direct en Auvergne. On va bien manger du Saint-Nectaire. Peut-être avec les Clermontois de Mustang qui, après 15 ans de carrière, débarquent avec un cinquième album. Et cet album, qui s'appelle Mega Phoenix, il a la particularité de ne pas ressembler au précédent, mais de bien s'éloigner du côté rockabilly qu'ils ont tout le temps eu, chanté en français, ils ont toujours chanté en français, Mustang, et là d'être un peu plus proche de la variété française, même si je trouve que c'est un peu pas un beau terme de dire variété française. Bah, ça dépend. Bon. C'est peut-être le fait d'avoir changé de batteur. Ils ont récupéré le batteur de Louisa Tack et de Gaëtan Roussel. En tout cas, c'est un album un peu plus écrit, un peu plus chanson française, comme je l'avais indiqué en présentation, qui peut se rapprocher de Bachung ou Bert Tremblay ou encore de Feu Chatterton. Et cela tombe bien puisque le morceau que je vous ai choisi, c'est Aéroport, et il est en featuring avec Arthur Teboul, qui est le chanteur de Feu Chatterton. Donc tout de suite, on écoute Aéroport de Mustang avec Arthur Teboul. Dans l'allée pour la mort, on a droit à deux bagages, me sent comme un porc. Sur sa chaîne d'abattage, me sens déjà sale. Les yeux sont fatigués et les pieds me font mal. Dans l'avion, je sais qu'ils vont gonfler. À l'aéroport, ça me rend tellement mauvais. Le monde ressemble fort à l'aéroport décoré. Magasin détaxé, faune cosmopolite et parfums emmêlés. Et vous irrite, ce n'est pas un espace, c'est un parcours fléché, vanille et ta race, avec ton sac Versace. La grâce t'attend quelque part, tu ne sais où, tu ne sais où. Et ça lit mal au dos à Dakar, et ce Moscou, ce Moscou. À l'aéroport, il reste un espoir. Il se passe quelque chose. Une fille aux beaux yeux noirs, une bombe qui explose. Laisse-toi noyer dans la foule, va la surprise. On compte les bons se houle, l'île Venise. Laisse-toi noyer dans la foule, va la surprise. On compte les bons se houle, l'île Venise. Tu n'as pas vu l'Atacama, cet immense désert. Un océan de fleurs mauves. Oui, toi tu ne sais rien encore de la majesté, de la gloire ancienne des ruines d'encore qui ressuscite le soir. La grâce t'attend près d'ici. Tu ne sais plus, tu ne sais plus. Et ça lance Rio Helsinki. Honolulu, Honolulu. Le magazine de bord vous vend une vie rêvée, une saucisse à Francfort. Le soir à Capri des Vongoles, une fois que tout le monde dort, on peut enfin rêver, mais on ne rêve pas bien fort. Dans la cabine climatisée, sous ce soleil d'or, dans ce ciel dégagé, nous sommes dans l'angle mort d'un billet un peu découragé. La grâce t'attend quelque part, je te le promets. Il reste un espoir qu'il se passe quelque chose. Une grosse bagarre, une hôtesse un peu chaude. À l'aéroport, il faudra attendre pour fumer. Et dehors, la navette et les rues bouchonnées. À l'aéroport, moi je hais le monde entier. Le monde ressemble fort à l'aéroport. Laisse-toi noyer dans la foule, vent, la surprise. On compte des lits, on sait où. Laisse-toi noyer à l'aéroport. À l'aéroport. À l'aéroport. À l'aéroport. c'était Mustang avec le morceau Aéroport qui est une critique du tourisme de masse, on va dire ça. Eh bien, trop bien. Trop bien, trop bien. On va enchaîner avec un truc complètement différent. Et là encore, on va aller très vite sur les présentations parce qu'à chaque fois qu'il sort quelque chose, je vous le passe. Je veux parler bien sûr de Tyler, le créateur, qui a sorti son dernier album fin octobre. Et du coup, lui, son credo sur chacun de ses albums, c'est de faire des albums très conceptuels, justement, avec une DA, des visuels très léchés, dans lesquels il met en scène ses alter ego. Et ses alter ego dont ses chansons parlent. Le dernier en date, c'était Igor qui est tombé amoureux de son ami. Et ça foutait la merde avec son ex-petite amie. Bref, là, c'est le thème de l'identité qu'il explore. J'ai envie de repenser au fait que j'ai dit bref. On va essayer de pas dire bref. C'est le dernier que je m'accorde. Ici, c'est le thème de l'identité qu'il explore, de ses racines nigériennes, qui tient de son père, mais de son père qui est absent, et du coup de la question d'un héritage culturel qui lui a jamais trop été transmis au final, etc., etc. Toujours un son très marqué par le R&B, le gospel, la soul. Il y aura encore plein de choses à vous dire sur cet album, ne serait-ce que par rapport aux samples, aux artistes qu'il y invite. Mais pour le moment, moi, je te propose d'écouter deux extraits. Le premier, il s'appelle Synchroma, c'est le morceau d'ouverture de l'album, c'est une pépite, j'adore. Et le deuxième, c'est I Kid You, qui est dans un autre registre, mais très très bien. Voilà, Tyler the Creator, tout de suite. You are the light. It's not on you, it's in you. Don't you ever in your motherfucking life dim your light for nobody. Chromacopia, chromacopia, chromacopia, chromacopia, chromacopia. Your new high comb go round and round. Your new blow out go round and round. 36 squares go round and round. The grease adding up, it go round and round. I gotta work, I gotta eat. If they see you on top of me, I gotta leave, bitch, I killed you. Your natural state is threatening to the point that I point at myself and self-esteem, bitch, I killed you. No finding out, a couple knots was a map. We escaping them routes right on the scout, bitch, I killed you. Taking you out, it's not a game full of shame, so we straighten you out without a doubt, bitch, I killed you. You are so essential, how we used to pick you, cause you was a simple. Berries and oils, your nature was so simple. But I guess the coils and kings became an issue. Therefore, bitch, I killed you. Jerry's and Mimi's, I burned you, I cut you, I filled you up with Kimmy's. Forced you to relax, you was thick, you was BB. Didn't take the heat, so you gone when they see me. Nah, yeah, bitch, I killed you. Aunties, grandmas, sisters, mamas, darker skinned, women's conscious. Gotcha, bitch, I killed you. Uncles, daddies, brothers, sons, cut by one, the shit begun. Early, bitch, I killed you. Mentally stuck, I couldn't see when you breathe. Thought I needed a cut, it fucked me up, bitch, I killed you. We don't got advantages, we don't match their images. So it led to damages, ah, to kill you. I gotta work, I gotta eat. If they see you on top of me, then I'm at peace, bitch, I killed you. You on my crown without the grease, really fine. Got the kinks in they mind, they gotta eat, bitch, I killed you. Gravity defied, it's the element. Are you fragile? See you delicate. You the groom, baby, they the motherfucking elephant. Talking about my heritage, I can never kid. C'était deux extraits qu'on vient de vous passer du dernier album de Tyler the Creator qui s'appelle Chromacopia, j'avais oublié de le dire. Toujours aussi bon le Tyler. On part sur un groupe moins hype, surtout que c'est un album sorti en 2018 si je ne me trompe pas qu'on va écouter. On va écouter l'album O País As Arder de Cereas, qui est un sextet portugais qui est basé à Porto et qui fait un mélange de crotrock, post-rock. Et la particularité, bah, c'est la voix du chanteur. Quoi, en tout cas, le groupe est porté par cette voix. Et également parce qu'il y a plein de sax. Sax, sax, sax, sax, sax. Pas de sexe, de sax. l'album est sorti chez Lover and Lollipop. Et nous, on va écouter le morceau Primero Ministro, toujours de Cereas. C'était les Foufous de Céréas avec le morceau Primero Ministro. On change de style encore une fois avec un peu de librairie musique et avec The Offline. The Offline, c'est Félix Müller, de son vrai nom, qui est un photographe et un compositeur hambourgeois. Alors lui, il est allé, c'est simple son truc, c'est qu'il est allé se poser pépouze dans le sud de la France, au bord de la mer. Il a pris des petites photos, puis quand il est revenu à Hambourg, il s'est mis à écrire des chansons, et en fait, des chansons pour illustrer un petit peu ses petites prises de vue. Alors ça donne un projet très cinématographique, très 70s, qui oscille entre François de Roubaix et Surprise Chef, pour vous donner un peu une petite idée. Son début EP s'appelle Les Cigales, c'est sorti début novembre sur le label Deep Matter Records. Nous, on va écouter deux morceaux, deux extraits. Donc le premier, c'est Générique, et le deuxième, c'est Les Cigales. C'était The Offline avec deux extraits de son dernier EP qui est sorti il n'y a pas longtemps. The Offline que tu avais déjà passé dans l'émission du coup. Oui, j'avais passé l'album précédent qui était sorti en 2023. Mais je m'en souvenais pas. Qui s'appelait La couleur de la mer. Très bien. Mais ta présentation était sans doute bien meilleure que la mienne. Oh là là, oh là là, ça lèche les bottes là. Non, je rigole. Alors, faut-il lécher les bottes des Allemands ? Ah non ! J'entends le son des bottes. Mon Dieu. Non, oh, c'est horrible. Ouais, non. Bon, le prochain groupe est allemand, vous l'avez compris, il est de Berlin, il s'appelle Die Verliererer. Die Lier... Je ne sais pas le dire, je n'ai pas fait allemand du tout. Je ne suis pas proche de cette langue, mais cette musique, je la trouve très chouette. Et cette musique, eh ben, elle permet de vous faire revivre l'Allemagne des années 80. Si je vais dire rapidement. Donc au programme, on aura des influences punk et new wave comme partout. Et l'avantage de ce groupe, à Skip, ils ont une énergie folle sur scène. On va écouter l'album éponyme qui est sorti en 2022 chez Mangel Records et O'Toole Studio. Éponyme de leur nom ? Ouais, okay, j'allais pas le répéter. On va pas le répéter. Bon, il faut le redire. Hein. Divi lire lire. Voilà. Donc on va écouter deux morceaux que je vais aussi vous dire avec plaisir qui s'appellent Man in Mond et l'autre qui est un peu plus calme qui est, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous passer un deuxième morceau qui lui était plus énervé qui s'appelle Nights Funktionier. Génial. Tout de suite Die Verlierer dans Goodbye Kevin, l'émission 281ème. Thank you. have a client from London. He bought in this building two flats. Yeah. And he asked me a funny thing when I show him the first time the flats. He asked me, why they are so less expensive? They are radioactive. Si vous avez un doute sur ma prononciation, vous inquiétez pas, hein, y a la playlist qui est disponible. Vous regardez la playlist si elle est bonne. On vous met le nom des artistes sur notre lien Mixcloud et autres. Et Earthsoon, je sais plus le nom. C'est pas grave. Bon, et ben, de toute façon, on n'a pas le temps de vous passer d'autres morceaux. Donc on va vous dire à la semaine prochaine. On vous laisse en bonne compagnie sur Radio Campus Lille et juste après avec le Festin Nu. Et voilà, un bon week-end, tout simplement. C'est vrai que c'est important de préciser qu'il faut passer un bon week-end. Voilà. Et bien, à la semaine prochaine, au revoir.